vas-y, faut qu'on parle. Ok, j'arrive. On peut pas continuer comme ça. Comment ça, on peut pas continuer comme ça? Mais on a essayé, ça marche pas. T'es sérieuse là? Enfin, c'est comme ça. T'es sage. Roule un joint, oui. J'repense à la haïtienne. Comme un fou fait partie, j'ai compris que l'amour se trouvait dans la recette. Et ouais, il se trouve dans la recette. Mon négro fuck love, fuck love, fuck love, fuck love. Que des lovés, que des lovés. Si j'roule en grosse gamme négro, j'crois que j'vais fouffer. Si j'continue à salement trapper, j'vais les doubler. Que les femmes vénales cherchant la monnaie, monnaie. Mais allige tous mes chiens de la casse en t'inquiète de double bonnet. Bonnet, j'en ai rien à foutre du regard des gens. Ils parlent tous dans mon dos, mais quand ils me voient, ils ont 10 gens. Je les baisse. Traduire ceci, traduire cela. Je m'en bats les couilles tant que je donne à maman quelques cieux-là. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. Négro, négro. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trahi. Porter le trahi. Je les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Eux qui maïssent. Me lisent quand je suis en chien, me kiffe quand j'ai du ralice. J'ai du ralice. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trahi. Porter le trahi. Je les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Eux qui maïssent. Me lisent quand je suis en chien, me kiffe quand j'ai du ralice. Mon 5-56 trache des balles aussi vite que le muspère. Aussitôt j'arrive dans le game. Aussitôt je vais séparer. Bah ouais je vais séparer. Contrôler le réseau et c'est faire. Je prends le game, lui mettre la fessée. Hey, il va se laisser faire. Va se laisser faire. Comme un soldat afghan, je vais sortir la calache. Camoufler ma ganache. Rap français, j'y ramène du panache. Top rap musique, pro black, pro black. Des négros costauds trapus comme des all black. Des all black. Laisse-les parler, négro, laisse-les parler. En 7-8 mois dans le game, négro, je vais me l'accaparer. Je sais que je peux percer, je sais que je peux crever. Tu sens d'esclave dans mec ce dé, ouais, le chèque est trop vrai. J'ouvre mon cœur, j'parle à cœur ouvert. Gradure du rap français, j'suis la nouvelle découverte. Y'a qu'avec un famas que je me sens en paix, j'me sens en paix. Les haineux jactés, dans quelques mois ils vont ramper, ils vont ramper. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trahi. Je les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Me néglige quand je suis en chien, me kiffe quand j'ai du ralice. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trahi. Je les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Me néglige quand je suis en chien, me kiffe quand j'ai du ralice. Big up aux vrais qui me soutiennent depuis le début. Vrai chez Guerre reconnaissent vrai. 5-9-243, bif arrive.